échappèrent à son coup de filet trop brusque, pour se tapir dans des fissures, d'où leur barbe fine tatelot et nargue l'engin. « Phil, viens, Phil, c'en est rempli de crevettes, et elles ne veulent pas se laisser prendre !» Il approcha, nonchalant, se pencha sur le petit abîme pullulant. « Naturellement, si tu ne sais pas !»« Je sais très bien !» cria Vinka aigrement. « Seulement, je n'ai pas la patience !» Phil enfonça le havenet dans l'eau et le tint immobile. « Dans la fente de rocher !» jeta Vinka derrière son épaule. « Il y en a de belles, belles ! Tu ne vois pas leurs cornes ?»« Non, ça n'a pas d'importance, elles viendront bien !»« Tu crois ça ?»« Mais oui, regarde !» Elle se pencha davantage, et ses cheveux battirent comme une aile courte et prisonnière la joue de son compagnon. Elle recula, puis revint d'un mouvement insensible pour reculer encore. Il ne parut pas s'en apercevoir, mais sa main libre attira le bras nu, allé et salé de Vinka. « Regarde, Vinka, la plus belle qui vient !» Le bras de Vinka, qu'elle déroba, glissa jusqu'au poignet dans la main de Phil, comme dans un bracelet, car il ne le serrait pas. « Tu ne l'auras pas, Phil, elle est repartie !» Pour suivre mieux le jeu de la crevette, Vinka rendit son bras jusqu'au coude à la main demi-fermée. Dans l'eau verte, la longue crevette d'agate grise tâtait du bout des pattes, du bout des barbes, le bord du havenet. Un coup de poignet et... Mais le pêcheur tardait, savourant peut-être l'immobilité du bras docile à sa main, le poids d'une tête voilée de cheveux qui s'appuya, un moment vaincu, à son épaule, puis s'écarta, farouche. « Vite, Phil, vite, relevez le filet. Oh, elle est partie. Pourquoi l'as-tu laissée partir ?» Phil respira, laissa tomber sur son ami un regard où l'orgueil, étonné, méprisait un peu sa victoire. Il délivra le bras mince, qui ne réclamait point de liberté. Et brouillant, à coups de havenet, toute la flaque claire, « Oh, elle reviendra! Il n'y a qu'à attendre !» Chapitre 2. Il nageait côte à côte, lui, plus blanc de peau, la tête noire et ronde sous ses cheveux mouillés, elle, brûlée comme une blonde, coiffée d'un foulard bleu. Le bain quotidien, joie silencieuse et complète, rendait, à leur âge difficile, la paix et l'enfance, toutes deux en péril. Vinka se coucha sur le flot, souffla de l'eau en l'air comme un petit phoque. Le foulard tordu découvrait ses oreilles roses et délicates, que les cheveux abritaient pendant le jour, et des clairières de peau blanche aux tempes, qui ne voyaient la lumière qu'à l'heure du bain. Elle sourit à Philippe, et sous le soleil d'11 heures, le bleu délicieux de ses prunelles verdit un peu au reflet de la mer. Son ami plongea brusquement, saisit un pied de Vinka et la tira sous la vague. Ils burent ensemble, reparurent, crachant, soufflant et riant, comme s'ils s'oubliaient. Elle, ses 15 ans tourmentés d'amour pour son compagnon d'enfance, lui, ses 16 ans dominateur, son dédain de joli garçon et son exigence de propriétaire précoce. « Jusqu'au rocher » cria-t-il en fondant l'eau. Mais Vinka ne le suivit pas et gagna le sable proche. « Tu t'en vas déjà ?» Elle arracha son bonnet, comme si elle se scalpait, et secoua ses raides cheveux blonds. « Un monsieur qui vient déjeuner. Papa a dit qu'on s'habille. » Elle courait, toute mouillée, grande et garçonnière, mais fine, avec des os durs et de longs muscles discrets. Un mot de Phil l'arrêta. « Tu t'habilles ? Et moi, je ne peux pas déjeuner en chemise ouverte alors ? Mais si, Phil, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu es beaucoup mieux, décolleté. » Le petit masque mouillé et hâlé, les yeux de la pervenche exprimèrent tout de suite l'angoisse, la supplication, un revêche désir d'être approuvé. Il se tut avec morgue et Vinka gravit le pré de mer, fleuri de scabieuses. Phil grommela tout seul en battant l'eau. Il se souciait peu des préférences de Vinka. « Je suis toujours assez bon pour elle. D'ailleurs, elle n'est jamais contente cette année. » Et l'apparente contradiction de ces deux boutades le fit sourire. Il se renversa à son tour sur la vague, laissa l'eau salée emplir ses oreilles d'un silence grondant. Un petit nuage couvrant le soleil haut, Phil ouvrit les yeux et vit passer au-dessus de lui les ventres ombrés, les grands becs effilés et les pattes sombres repliées en plein vol d'un couple de courlis. « Fichu idée !» se disait Philippe. « Non, mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Elle a l'air d'un singe habillé. Elle a l'air d'une mulâtresse qui va communier. À côté de Vinka, une petite sœur à peu près pareille, ouvrait des yeux bleus dans un rond visage cuit, sous des cheveux blonds en chaume raide, et appuyait sur la nappe, à côté de l'assiette, des poings clos d'enfants bien élevés. Deux robes blanches pareilles habillaient la grande et la petite, repassées, empesées, en organdi à volant. Un dimanche à Tahiti, railla Philippe en lui-même. Je ne l'ai jamais vue si laide. La mère de Vinka, le père de Vinka, la tante de Vinka, Phil et ses parents, le parisien de passage, cernaient la table de chandails verts, de blazers rayés, de vestons en tussor. La villa, loué tous les ans par les deux familles amies, sentait ce matin la brioche chaude et l'encaustique. L'homme grisonnant venu de Paris représentait parmi ses baigneurs bariolés et ses enfants noircis l'étranger délicat, pâle et bien vêtu. « Comme tu changes, petite Vinka, » dit-il à la jeune fille. « Parlons-en, » marmotta Phil hargneux. L'étranger se pencha vers la mère de Vinka pour lui avouer à mi-voix. « Elle devient ravissante, ravissante. Dans 2 ans, vous la verrez. » Vinka entendit, jeta un vif regard féminin sur l'étranger et sourit. La bouche pourpre se fendit sur une lame de dents blanches. Les prunelles, bleues comme la fleur dont elle porta le nom, se voilèrent de cils blonds, et Phil lui-même fut ébloui. « Hé, qu'est-ce qu'elle a ?» Dans le hall tendu de toile, Vinka servit le café. Elle les volait roidement et sans heurts, avec une sorte de charme acrobatique. Un coup de vent ayant bousculé la table fragile, Vinka retint du pied une chaise renversée, du menton un apron de dentelle qui s'envolait, et ne cessa point de verser, en même temps, un jet impeccable de café dans une tasse. « Voyez-la, cette Stasia l'étranger !» Il la traita de Tanagra, l'obligea à goûter de la chartreuse, lui demanda les noms des amoureux qu'elle désolait au casino de Cancale. Ah ah, le casino de Cancale? Mais il n'y a pas de casino à Cancale! Elle riait, montrant le demi-cercle solide de toutes ses dents, vira comme une ballerine sur la pointe de ses souliers blancs. La ruse lui venait, avec la coquetterie. Elle ne tournait pas son regard vers Philippe, qui, sombre derrière le piano et le grand bouquet de chardon planté dans un seau de cuivre, la contemplait. « Je m'étais trompé, s'avoua-t-il. Elle est très jolie, voilà du nouveau. » Comme l'étranger, au son du phonographe, proposait à Vinka de lui apprendre le balancello, Philippe se glissa dehors, courut vers la plage et tomba en boucle dans un creux de dune, où il mit sa tête sur ses bras et ses bras sur ses genoux. Une Vinka nouvelle, pleine d'insolence voluptueuse, persistait sous ses paupières fermées. Vinka coquette, bien armée, accrue tout à coup d'une chair ronde. Vinka méchante et rebelle à souhait. Phil, mon Phil, je te cherchais. Qu'est-ce que tu as ? La séductrice, haletante, était auprès de lui et lui tirait ingénument les cheveux à poignée pour l'obliger à relever le front. Je n'ai rien, dit-il d'une voix enrouée. Il ouvrit les yeux avec crainte. Agenouillée dans le sable, elle froissait ses 10 volants d'organdi et se traînait comme une squaw. Phil, je t'en prie, ne sois pas fâché. Tu as quelque chose contre moi ? Phil, tu sais bien que je t'aime mieux que tout le monde. Parle-moi, Phil. » Il cherchait sur elle la splendeur éphémère qu'il avait héritée. Mais ce n'était plus qu'une Vinka consternée, une adolescente chargée, trop tôt, de l'humilité, des maladresses, de la morne obstination du véritable amour. Il lui arracha sa main qu'elle baisait. « Laisse-moi, tu ne comprends pas, tu ne comprends jamais rien. Lève-toi, voyons. » Et il cherchait, lissant la robe froissée, nouant le ruban de la ceinture, calmant les raides cheveux dressés dans le vent, il cherchait à remodeler sur elle la forme de la petite idole entrevue. Chapitre 3. Les vacances à présent, c'est l'affaire d'un mois et demi, quoi. Un mois, dit Vinka. Tu sais bien que je serai le 20 septembre à Paris. Pourquoi ? Ton père est libre jusqu'au 1er octobre, tous les ans. Oui, mais maman et moi, et Lisette, nous n'avons pas trop de temps. Du 20 septembre au 4 octobre pour les affaires d'automne. Une robe pour aller au cours, un manteau, un chapeau pour moi, et la même chose pour Lisette. Je voulais dire, nous, les femmes, enfin. » Phil, couché sur le dos, jeta des poignées de sable en l'air. « Oh là là, vous, les femmes, vous en faites des embarras pour tout ça. Il faut bien. Toi, tu trouves ton complet préparé sur ton lit. Tu t'occupes juste de tes chaussures, parce que tu les achètes chez un marchand, où ton père te défend d'aller. Le reste, ça te pousse tout seul. C'est bien commode, vous, les hommes. » Philippe s'assit d'un coup de rein, prêt à répondre à l'ironie. Mais Vinka ne se moquait pas. Elle cousait, bordant d'un veston rose une robe en crépon du même bleu que ses yeux. Ses cheveux blonds, taillés à la Jeanne d'Arc, allongeaient lentement. Elle les divisait quelquefois sur la nuque et liait de rubans bleus 2 courbalets couleur de blé au long de chaque joue. Depuis le déjeuner, elle avait perdu un de ses rubans et la moitié de sa chevelure battait, en rideau éployé, la moitié de son visage. Philippe fronça les sourcils. « Dieu, que tu es mal peignée, Vinka !» Elle rougit sous son râle de vacances et lui jeta un humble regard en repoussant ses cheveux derrière l'oreille. « Je sais bien, je serai mal coiffée tant que mes cheveux seront trop courts. Cette coiffure-là, c'est en attendant. La laideur temporaire, c'était égal, » dit-il durement. « Je te jure que non, Phil !» Honteux de tant de douceur, il se tut.